J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans cette 23e édition de Comics Discovery, le podcast, l'émission qui vous parle de... Le comics, ça y est. Ah, enfin, moi. Bravo. Ils suivent enfin. Une semaine que je répète. Alors je suis avec ma fameuse équipe de chroniqueurs et de passionnés de comics. On va commencer par les filles, elle est avec nous à côté, elle va vous parler de cinéma et de séries télé pendant les news avec moi, c'est Faye. Salut Faye. Bonjour James et bonjour tout le monde. En face de moi, il y a Juni qui va faire son fameux Halo. Et si j'ai pas envie? Ah merde, mais tu le fais à chaque fois, je pensais que fallait pas le dire. C'était le faire, devenu finalement, un réflexe, une habitude. Non, bah non, pas de Halo. Tu vois, il a tenté le diable, maintenant c'est fini. Je le ferai plus jamais. Ok, bah moi j'aime pas trop, donc voilà, c'est, au moins ça c'est fini. Vous l'avez entendu, à côté de moi, il y a Mathieu. Ça salut Mathieu. Bien, ouais, salut à tous. Tu veux te faire lapider en fait. Ouais, je crois. Alors que t'es tout gentil en fait. Mais c'est parce que en fait, je suis le seul à avoir aimé le titre dont on va vous parler cette semaine. Et du coup, bah, je commence l'émission comme il faut, avec de bonnes lois, comme on dirait. Et ça veut rien dire du tout ce que je suis en train de dire. Et enchaîne. On va enchaîner direct sur les news. Allez, c'est parti pour les news. Avec ce générique qui est toujours aussi cool. Et on va partir sur le nouvel mini-série. Enfin, on ne sait pas si c'est vraiment une mini-série ou un event ou une série tout court. C'est Génération qui va arriver chez Marvel, qui avait été teasé par une cover assez cool de Alex Ross. Alex Ross, je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Moi, je l'aime beaucoup en cover, mais j'ai un peu plus de mal en intérieur. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui fait des trucs vachement photoréalistes, vachement iconiques, qui a bossé sur... moi j'ai lu Earthfix de lui, il a bossé sur... tu t'avais dit que t'avais lu quoi, Johnny, de lui? Kingdom Come, c'est Kingdom un bouquin Come. De DC. Marvels aussi, donc moi je l'aime bien en cover, je trouve il fait des couleurs très très belles, notamment une du Joker d'Harley Quinn qui est assez emblématique, qui avait été reprise dans Suicide Squad et qui est assez c'est cool. C'est laquelle? C'est celle où t'as le Joker et Harley Quinn qui dansent. Ah d'accord. Donc voilà, elle est très belle. Mais en intérieur, c'est un peu plus compliqué. Enfin, j'ai un peu plus de mal avec lui. Donc vous êtes pas de mon avis, non? Si, ouais, bah après, j'imagine qu'il a plus de temps pour travailler ses covers que ses intérieurs. Il y a une deadline forcément à faire, donc ça reste quand même très correct. Après, c'est vrai, quand il prend son temps, il fait vraiment des choses magnifiques. Ok. Et bah, on a enfin un teaser pour cette génération. Donc je pense que c'est une mini-série. Il y a plus de chances que ce soit une mini-série. Et en fait, c'est un pitch assez bizarre. Donc je vais vous citer mot pour mot. Alors, autrefois, un jeune gringalet de New York qui a soulevé un bouclier pour foncer dans la bataille, un fils s'emparait d'un marteau sacré qu'il a jugé digne, et un génie arrogant a construit une armée et une armure qui a révélé son potentiel au grand jour. Et ensemble, ils sont devenus les plus grands héros de la Terre. Aujourd'hui, cet héritage héroïque vit à travers une nouvelle génération de héros et sera mise à l'épreuve quand les plus grands champions de l'univers Marvel s'unissent pour avancer dans le futur. Donc on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire et vers quoi. Enfin, ils avancent vers le futur, voilà. Mais vers quel futur, vers mais quoi c'est que... très clair, c'est en fait une nouvelle série de l'Agence Touriste que j'ai parfaitement reconnue, moi. Peut-être. Ouais, ça a l'air d'être un bon gros retour justement à ces héros emblématiques. Ça fait quelques années que Marvel, ils essayent quand même des concepts. Ces derniers temps, Iron Man n'était plus Tony Stark, Captain America n'était plus Steve Rogers, même Thor n'était plus Odinson. Et du coup, je sais pas si ça avait très très bien marché tout ça. Alors, on a l'air d'être un gros back to basis, old school à l'ancienne. Bon, pourquoi pas, hein. Ok, est-ce que ça vous hype un peu? Oh, par curiosité. Moi, je lis plus du tout de Marvel, donc je non, sais pas. Pas spécialement, non. Ok. Ouais, les events Marvel ces derniers temps. Il y en a trop, en fait. Bah oui, mais il y en a deux par an maintenant, je crois. À force, c'est le quotidien, quoi. En plus, dans mes news, rien que dans mes news, j'ai deux events. Je vais parler de deux events. Mais là, je pense que c'est plus une mini-série. Donc, mais tu vois, il suffit que tu arrêtes de lire Marvel pendant un certain temps. Et t'es perdu. Tu veux t'y remettre, t'es perdu. Moi, par exemple, ça fait un moment que j'ai pas lu X-Men, j'ai vachement du retard. Et j'avais envie de me remettre, et en fait, je suis paumé. Bah oui. Ils sont craints par le reste de la planète, et puis voilà. Ils vont revenir. Merci. Ils sont ouais, voilà, puis ils font non, mais c'est au niveau des titres, t'as plein de titres qui sortent et tout, donc je sais pas où t'en es. Enfin, bon, c'est... Et bon, on va passer à une autre news, et c'est Faye qui va nous parler de séries télé. Oui, bien sûr, et tout à fait. Tu laisses même pas le temps de la virgule. C'est oh, bonjour. Voilà, ah, allez, pardon, voilà. Pardon, la technique. Merci vas-y, pour cette virgule. Parle-nous de séries télé. Oui, alors, bah tiens, on va rester sur Marvel avec des infos sur la prochaine série X-Men. On en sait un peu plus, on sait déjà son titre. Elle s'appellera Gifted, avec un super. Voilà, X-Men Gifted. Et cette série, en gros, racontera l'histoire de parents qui découvrent que leurs enfants sont en fait des mutants et ils vont devoir les protéger parce que le gouvernement, et oui, ces coquinous, vont essayer de leur faire des misères. Et au casting, dernièrement, nous avons appris qu'il y aurait l'acteur Stephen Moyers, que vous avez pu voir dans la série True Blood, si vous avez survécu à cette série. Et surtout, alors là, surtout, une actrice que j'adore beaucoup et qui fait partie d'un univers qui a fêté ses 20 ans récemment, il ah oui, s'agit pas de parlé, voulais, Amy Harker, qui était donc connue pour jouer le rôle de Fred dans Angel. Voilà, donc très grande actrice. Elle était aussi dans Person of Interest. Oui. Pour ceux qui n'auraient pas suivi de Wayne. C'est une super actrice. Très très bonne actrice. Et on reste justement dans le Buffyverse avec juste quelques nouvelles de la série The Runaway. Donc en fait, je sais pas si vous connaissez ce comics. C'est en gros des enfants qui découvrent que leurs parents sont des vilains et qu'ils ont des pouvoirs. Et en gros, bah, ils sont pas très contents. Donc ils vont voler des choses qui appartiennent à leurs parents. C'est dans l'univers Marvel, ça, sinon. C'est dans l'univers Marvel, tout à fait. Et donc une série va se faire. Et dans cette série, dans le rôle d'un des parents méchants, on va retrouver l'extraordinaire James Master qui jouait donc Spike dans Buffy. Donc moi déjà j'aime beaucoup le comics The Runaway de base, bah, je suis très très satisfaite et j'ai envie de voir cette série. Et bien comme oui. Tu parlais du Buffyverse, sachez que bon, on se fait un peu de pub, on a sorti une et vidéo. Je vais en parler tout à l'heure quand ah, tu je ferai okay, sortir bon, je te laisse. S'il te plaît, mon cher James, on a discuté. Je te laisse faire ta propre pub. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu as autre chose sur les séries oui, télé? Oui, j'ai d'autres choses sur les séries. Alors, Adam West, rappelez-vous, cet acteur fantastique qui avait interprété Batman dans la vieille série des années 60 et dans ce merveilleux film très nanaresque qui s'appelait donc Batman, eh bien, il va jouer dans la série Powerless, une série qui, j'ai continué un peu à regarder, eh ben, ça tourne en rond, c'est pas ce qu'ils veulent faire, mais ils sont gentils quand même. En tout cas, il va jouer dans la série et il va faire le président de Wayne Enterprise, qui s'appelle Dean West, apparemment. Ok, et en fait, il y a... Ah non, West. Ouais. J'ai compris Wayne, je crois. Ah non, ils se sont dit, ah, il s'appelle Adam West, oh, ben, on va changer un peu le prénom, et puis ça passe. Okay. Bref, voilà. Ensuite, niveau série, sachez que la série Riverdale que vous avez adorée oh est renouvelée pour une saison 2. Pourquoi? On est content. Je ne sais pas, c'est un mystère. Parce qu'il y a des gens qui regardent apparemment. Voilà. Enfin, le fils du producteur, ça compte pas quoi. Ensuite, non, alors ça là... plaît à plein de petites gamines ce genre de truc. Ouais, alors là, par attention contre. Attention au sexisme. Attention. Ah, oui, peut-être. Ouais, non, mais carton. Même moi, carton, je. Carton, j'en ai pas. C'est un carton jaune. Sexisme, ouais. Ça, c'est juste l'adolescence. Bref, par contre, au mois de juin, le 19 juin, il y aura la saison 2 de Preacher. Et ça, on l'attend avec impatience. Ça, c'est bien. Il faut qu'on regarde la fin. Moi, j'ai pas vu la fin encore. Ouais, il faut que tu vois la fin. Et niveau série, pour terminer, sachez que le pilote de la série Scalped, je pense bien. Scalped, merci. Est entré en production par la chaîne WGN, donc d'après le comics de Jason Aaron et RM. J'ai dit Jason parce que je suis française, monsieur. D'accord. Merde. C'est pas de problème. Au Jam, hein. C'est bon. Jason Aaron. Alors, RM Guerrera aussi, donc. Guerrera, ça suffit. Guerrera, c'est le rebelle dans Star Wars. Ok, excusez-moi, j'ai écrit trop de R sur mon papier. Et donc, la série sera scénarisée par Dong Jong, si je prononce bien, qui aurait fait la série Banshee. Alors, moi, c'est les infos que j'ai sur mon site, si vous connaissez mieux, parce que je ne connais pas du tout. Je crois qu'il a écrit Star Trek Sans Limite aussi. Possible. Où il a travaillé avec. Avec Simon Pegg, je crois. Okay. C'est Simon Pegg. Bref, donc voilà. Et ça serait réalisé par deux réalisateurs belges que je ne connais pas pour ma part, qui s'appellent Bilal Fala et Adil El Ambi, je crois, ou Arbi. Je crois que c'est Bilal El Fala. Bilal El Fala. Bah, je sais pas, je te dis l'article, ils avaient mal écrit les noms, j'essaie de trouver Ou qu'ils ils avaient réalisé un film qui s'appelle Black. Voilà, Black, un film policier que je n'ai pas vu, donc si vous connaissez. Moi non plus, bon, après ça donne pas super envie. Le casting, j'ai un peu regardé, il y a pas vraiment de têtes connues. Bon, en même temps, mais ça, c'est que des Amérindiens, donc il y a pas beaucoup ouais, d'acteurs j'allais dire, Amérindiens. Bah, déjà, c'est bien qu'ils aient pris des acteurs Amérindiens parce qu'ils auraient pu prendre autre chose. Le seul que je connaissais, c'est un mec qui était dans Parc et Récréation. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc après, il faudra voir, pourquoi pas. Je vois mal le concept la réserve indienne, mais avec que des blancs dans le rôle. Bon, whitewashing. Whitewashing, mais Avant, on peignait bien les acteurs. Hein, pour les gens qui ne savent pas, Scalp, c'est un comics, tu l'as dit, de Jason Aaron, qui se passe dans une réserve indienne, et c'est un peu la vie de la réserve indienne. C'est très glauque, ouais, c'est très violent. C'est très bien en comics. Après, en série télé. Est-ce qu'en série télé, est-ce que tu penses que ça pourrait valoir le coup? Je sais, c'est quel channel qui s'occupe de ça? Je sais pas. C'est WGN. WGN, excusez-moi. Je connais pas du tout ce channel. L'un des intérêts du comic, c'est vraiment de montrer ce côté ultra glauque, alcool, drogue, prostitution, de la réserve. Ça doit du cap, donc à mon avis, ils peuvent. C'est des persos qui sont très bien écrits, qui sont très, très tout en subtilité, qui vivent vraiment dans un enfer. Si jamais ils arrivent à redonner un peu cette ambiance-là, pourquoi pas? Mais bon, c'est casse-gueule quand même. Mmh. Okay. Bon, ils adaptent n'importe quoi. Est-ce que ça, tu vas regarder? Oh, le premier, oui, par principe. Ok. Johnny, est-ce que tu fais un... Non? A priori, c'est écrit par Jason Aaron, donc je pense que je vais apprécier. J'ai jamais lu la BD encore. Enfin, elle est sur ma liste, comme la liste kilométrique de trucs que j'ai à lire. Et je pense que je regarderai le premier épisode. Ok. Et toi, est-ce que tu fais ton... Oh bah, tu sais, moi, dès qu'il y a des nouvelles séries... Ok, voilà. Bah, moi aussi, moi ça me tente bien. On va passer à une autre news. Et moi, c'est une news qui va faire plaisir à Faye et à Mathieu, parce que c'est une news que j'ai intitulée Dark Vador est mort, vive Dark Vador. Oh. Puisque malgré l'arrêt de la série de Kieran Gillen et Salvador La Roca, qui était très bien d'après ce que j'ai entendu, donc il s'était arrêté il y a quelques semaines déjà, ou il y a quelques mois. Ouais, pas mal. Donc elle s'est arrêtée, mais Marvel a annoncé qu'une nouvelle série allait commencer, une série scénarisée par le très prolifique et le très occupé Charles Soule, qui dessine les trois quarts de l'univers Marvel, enfin qui écrit les trois quarts de l'univers Marvel, mais qui écrit bien, donc ouais. Non, pas tout, ça dépend. Ok. Et c'est dessiné par Giuseppe Camuncoli, donc ça, c'est bien. C'est bien, ouais, j'aime bien. Moi, il avait fait du Hellblazer, il avait fait du Spider-Man, je crois. Ouais, il a fait du Amazing Spider-Man. Ouais. C'est assez stylé, c'est assez violent, même. C'est peut-être pas mal. Et ça va être Charles Soule appelle ça Dark Vador Year One. Et ça va être les débuts de Dark Vador dans le costume de Dark Vador. Et nous allons savoir comment il a obtenu son fameux sabre laser rouge. Et ça va sortir en juin en VO. Donc voilà. Bah pourquoi pas. Je sais déjà que vous allez acheter, donc je vous demande même pas. On va demander à Johnny. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, allez, pourquoi pas. Je sais pas si je vais l'acheter, mais ouais, le concept peut être intéressant. Si c'est aussi bien fait que par exemple Lord of the Geek et. Lord of the Sith, putain, ça va plus moi. Lord of the Sith, le roman justement où on voyait un peu un Vador avant l'épisode 4, avant Rogue One et tout, qui était quand même assez intéressant. Moi je dis pourquoi pas. Tu moi c'est Charles Soule qui m'inquiète un peu. Ouais, effectivement, il est très. Mais tu vas acheter quand même. Arrête, évidemment, je vais acheter, c'est pas le problème. Mais pour la collectionnite, t'es obligé d'acheter. Oui, voilà, quoi qu'il en soit, t'es pas un vrai, quoi. Mais il est capable du très moyen où tu t'ennuies, voire quelque chose d'un peu plus travaillé. Mais on achètera, oui. Ok. C'est vachement bien, achetez-le. On va passer à une autre news. Et on reste sur Marvel, puisque c'est Jeff Lemire qui nous dit qu'il va quitter Marvel et qu'il va arrêter tous les chez Big Two, parce que le scénariste de Old Man Logan, le nouveau, hein, pas celui de Mark Millar, et de Moon Knight, a décidé qu'il allait claquer la porte de chez Marvel pour ne faire plus que du creator owned. Donc voilà, on perd enfin Marvel et DC, puisqu'il a dit qu'il ne bosserait pas sur un autre éditeur, perdent un scénariste assez cool, mais nous on gagne plein de séries en creator owned, donc pourquoi pas. Et comme je suis en train de parler scénariste, j'ai une petite news qui est assez cool. C'est le scénariste que je pense que Johnny doit vu les titres qu'il a fait, il doit kiffer, c'est Rick Remender, qui crée son propre studio qui va s'appeler Giant Generator. Et en fait, il crée son propre studio en collaboration avec Image. Et en fait, c'est un studio qu'il fait pour pouvoir protéger ses intérêts financiers et ceux de ses partenaires, et notamment pour gérer ses droits d'adaptation, puisque apparemment, il a dans ses cartons un projet de film d'Eddie Klass réalisé par les frères Rousseau. Donc pourquoi pas, c'est dédicace à Thomas, du coup. Oui, voilà. Et à Johnny, puisque c'est lui qui en a parlé dans l'émission. Ouais, ok. Non, mais l'idée du studio, déjà, j'aime beaucoup, parce que je suis très intéressé de voir ce qu'il va faire à partir de ça, on va dire. Et après, pour ce qui est des projets d'adaptation de Deadly Class, je pense qu'une série, ça marcherait probablement mieux qu'un film, a priori. Le film aurait probablement une tête un peu trop... Là, il part sur un film. Battle Royale. Enfin bon, après, je suppose que ça dépend de comment c'est fait, quoi. Ouais. Parce que moi je continue de lire le comics, parce que le comics c'est toujours mieux. Non, mais sans faire l'élitisme ni quoi que ce soit, le bouquin est juste génial. Donc, pour les gens qui ne sauraient pas, il a fait des Lilas comme tu viens de dire, mais il a fait aussi Black Science et encore Fear Argent. Donc c'est Je trouve qu'il a vraiment une narration qui, effectivement, je rejoins Johnny, se prête plus à la série télé. À la série télé ? Autant okay. Dans le même genre d'idée, t'as Mark Millar qui lui fait des trucs très basiques, très ciné, qui casse Secret Service et compagnie. Autant Remender c'est quand même un peu plus sur la longueur. Ouais, Alors pour avoir lu Black Science. Ouais. Black Sails, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu. Il a vraiment une écriture très série télé. Ça faisait vraiment très découpé avec l'épisode, enfin le chapitre, toi, qui se finit avec un coup de théâtre et compagnie pour lancer sur la suite. Ouais, mais en même temps, Black Sails, c'est du voyage dans plusieurs univers, donc forcément, ça fait très Sliders ou un truc comme ça. Par contre, Black Sails, c'était pas tip top non plus. C'était Black assez cliché et prévisible. Moi, j'aime beaucoup Black Sails. Ouais, après, t'as lu beaucoup après, parce que les derniers, c'est dense. Hein, ça... J'ai lu le tome 1 que tu m'avais passé et je suis allée après lire la suite chez mon oncle d'Amérique, mais je suis pas allée super loin, je sais pas du tout quel numéro je me suis. Parce qu'après, ils commencent à se recroiser eux-mêmes, enfin c'est Firajante, parce que c'est vraiment très très Firajante, c'est très bien. Ah bah donc je lis celui-là alors. Donc bah tout le monde approuve le studio, donc il va s'appeler Giant Generator de Rick Remender. Et on va passer au point ciné de Faye. Alors, cette semaine, pas de point Batman, parce qu'il y en a un peu marre semaine. Ouais, hein. Il y a juste Deathstroke. Ah non, t'as dit non. Il y a l'acteur qui fait Deathstroke qui a merde. Qu'est-ce que je sais plus. Il a dit des choses. Il a dit des trucs. Il a dit que c'était bien et qu'il fallait arrêter de râler parce que franchement, vous êtes trop méchants. Voilà. Ouais, bah forcément, ils le disent tous ça. Mais façon, toi, il a raison. Depuis que t'as vu que Ben Affleck était en partie avec sa femme. Ah oui, on m'a dit que Ben Affleck était revenu avec sa femme. Ouais, mon Dieu. Bref. Bon, niveau ciné. Allez, niveau ciné. Cette semaine, ça va être plus côté Marvel. Donc, nouvelle petite rumeur du côté de Deadpool 2, avec donc la présence de Cable et un possible acteur qui serait David Harbour, que vous avez pu voir dans l'excellente série de Netflix Stranger Things. Donc, on sait juste qu'il a passé des essais. Sera-t-il retenu ou pas? Moi, j'avais bien aimé son interprétation dans Stranger Things. Donc, il a fait plein de petits rôles dans plein de trucs et c'est un acteur cool, ouais. Bref. Pourquoi pas. En tout cas, on pourrait le retrouver aussi dans X-Force en compagnie de notre ami Deadpool. Ouais, ça ressemble à Cable, hein, alors. S'il est dans Deadpool 2 et dans X-Force. Parce qu'il fait du Cable en même temps. Voilà, en même temps. Ou Domino. Peut-être. Alors ensuite, des nouvelles de notre ami Thor, qui n'a peut-être pas tort de faire suites ou pas. Non, blague pourrie. Oh, mais il faut la poser, c'est bien ça. Mais il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, ils sont contents d'avoir eu cette blague. Pensez aux enfants. Allez, vas-y, enchaîne. Bon, bref. Donc là, on a eu des nouvelles images de Thor où on a vu que c'était fait une jolie petite coiffure. Dans un coin, Gladiator accompagné d'une Kate Blanchett qui visiblement a eu un petit souci de make-up au niveau des yeux, mais qui fait très peur avec sa belle perruque. Et en gros, on a eu quelques petites infos sur le film. En effet, James, tu es observateur. Ouais, il a des épées, il a pas de marteau. Ah oui, ça joue Xena, Gladiator, il peut pas tout faire. Bon bref, et en gros, ce qu'on a appris, c'est qu'avec ce film, il voulait partir dans une autre direction, que notre ami Thor allait être forcé dans Gladiator sur une plaine mystérieuse, qu'il allait libérer une déesse pas très gentille, et qu'on allait retrouver Hulk. En gros, voilà, je veux pas tout vous spoiler, c'est les petites infos de base qu'on entend depuis un moment. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces petits, de ce petit changement d'avoir un Thor qui a un look totalement différent, d'avoir peut-être une possible nouvelle direction? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous fait peur? Ils sont déjà complètement hypés par le film, alors un peu plus simplement. N'exagérons rien. Non, mais là, de tous les trucs qui sont sortis, ils ont sorti plusieurs photos. Il y a l'esthétique un peu Power Rangers sur les côtés que j'aime beaucoup parce que c'est coloré, ça fait très Jack Kirby. Il y avait un gars, il avait un costume, je l'ai vu. On aurait dit qu'il sortait d'un bouquin. Et donc, au niveau de l'esthétique, ça a l'air plutôt bien foutu. Au niveau personnage, le seul perso dont je me pose des questions un peu, c'est Hela, qui est jouée par Cate Blanchett, du coup, parce qu'elle n'a pas son casque. Ah. Sinon, le reste du costume, ils ont gardé le côté, enfin, tout ce qui est vert, noir, l'ambiance générale du perso. Je sais pas si l'espèce de boîte serre un peu bizarre. Je veux qu'il le fasse parce que c'est juste. Ah ouais, je le veux parce qu'il est iconique, il marche super bien. Et en plus, c'est une arme en soi. Mais c'est surtout au niveau du scénario, en fait, parce que c'était surtout ça qui pêchait le plus dans les autres films Thor. C'était trop. On rentrera pas là-dedans. Mais on a un bon réalisateur qui fait des très bons films. Et a priori, s'il a vraiment réussi son coup, on va avoir un très bon film aussi. Donc je garde mes... Ton espoir ? Un peu, à 10%. Tu es dans le hype train ? Ouais, parce qu'ils m'ont déjà fait le coup, donc... Moi, tu vois, j'avais pas envie de le voir, mais c'est vrai que déjà, Cate Blanchett, je suis fan, ça me donne envie. Puis le fait que les gens aient envie de partir dans une autre direction, de peut-être offrir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir, ça me ferait super plaisir. Donc, j'ai envie de voir le film, en fait. Hein. Ouais. Moi j'irai le voir de toute façon parce que je vais tout voir, mais A priori Hulk et Thor qui se tapent dessus dans une arène remplie de sable avec Jeff Goldblum comme méchant dans le film, ça pourrait être sympa. Ah c'est vrai qu'il y a Jeff Goldblum. Oh, je veux encore plus voir ce film. Il y aura Doctor Strange aussi qui va passer, donc pourquoi pas. Ouais. Ça, on le sait. Non, Mathieu, on sait déjà que t'es complètement hypé par le. Non, le hype train, je suis en tête de. C'est toi qui le conduis. Tu es là, tu fais tout. Suivez-moi, on y va, quoi. Ok. Non, je mettrai aussi un peu de. Comment dire, je me retiens un petit peu parce qu'effectivement, ils nous ont promis plusieurs fois des comment dire, des recettes un peu différentes et compagnie. Des curcuries. Ouais. Mais oh là, ça a l'air sympa quand même. Quoi. Ok. Par contre, juste la couverture, je crois que c'est de Entertainment Weekly, où on voit la photo avec ce fond, mais dégueulasse derrière, photoshopé. Mais c'est super photoshopé. Les gars, vous vendez mal votre film, quoi. Quand même, Entertainment Weekly, c'est un peu toujours ça. Non, il y a des couvertures des fois qui sont plus sympathiques. Ok, on va passer vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, oui. En fait. Moi, je vais vous parler d'un nouvel event. Alors, ça avait été teasé il y a quelques mois par le grand boss de chez Marvel, Alex Alonso, qui avait envoyé une photo dans un espèce de gros tube tout vert, avec à l'intérieur, on voyait un espèce de Hulk, enfin quelque chose qui ressemblait à Hulk, avec des griffes, avec des griffes de Wolverine. Et en fait, on en sait un peu plus et on sait que ça va être un nouveau crossover entre une série, donc la série qui s'appelle The Totally Awesome Hulk, que je ne lis pas du tout, où c'est Amadeus Cho qui porte, enfin il n'a pas le costume, mais qui est Hulk, donc j'ai jamais rien lu avec ce personnage. Julie non plus, non ? Je l'aime bien. Il est cool ? Mais j'ai pas lu Totally Awesome Hulk, mais je le lisais, enfin j'ai lu d'autres livres de Hulk à l'époque où c'était encore Bruce Banner. Et comme c'est un petit génie coréen, ouais, qui fait partie des plus gros cerveaux de la planète, en fait. Ouais. Et à part qu'il a genre 15 ans, il se balade en scooter avec un petit chien et du coup ils l'ont remanié pour en faire le nouveau Hulk, parce que pareil, c'était leur nouvelle politique de remplacer tout le monde par une minorité raciale ou autre, et du coup il a pris la place de Hulk. Ok, et ça va être un crossover avec cette série et Weapon X, donc là le fameux groupe qui a créé Wolverine, enfin qui a créé les griffes en adamantium de Wolverine, qui va s'appeler, avec un nom vraiment de très très bon goût, qui s'appelle Weapon of Mutant Destruction, donc le même acronyme que Weapon of Mass Destruction, les armes de destruction massive en anglais. Moi ça me fait un peu peur. Le seul truc qui est un peu cool, c'est que ça va être dessiné par Mahmoud Asrar, que j'aime beaucoup beaucoup. Ouais. Qui est vraiment, c'est le mec le plus gentil de toute l'industrie. Et je en vais plus, le dire à chaque fois. Oui, on l'a eu en interview et vraiment le mec est trop gentil. Et en plus, il dessine très bien, ce qui n'est pas pour rien. Et c'est écrit par Greg Pak. J'ai rien lu de Greg Pak, mais pourquoi pas. Ouais. Marvel Hulk. Ouais, voilà. Non, ça, avec ça des donne griffes. Envie, hein. Et non, un facteur. Ça, il avait scénarisé. Ah, il a fait ça. Ouais. Okay. Pas très fin, je sais pas. Il y a un épisode de South Park où ils apprennent comment je sais plus quelle série télé américaine qui dure depuis super longtemps fait ses scénarios, et c'était genre des lamentins qui balançaient des boules avec tel personnage fait tel truc. Voilà, là c'est un peu l'impression que ça me donne. Je veux pas dire que le scénario va pas être mauvais, c'est pas ce que je dis, mais l'idée de mélanger Wolverine avec le concept de Wolverine avec le concept de Hulk, je sais pas. Mais c'est deux ce qui est marrant, c'est que c'est deux personnages qui sont censés être morts dans l'univers Marvel. Bruce Banner c'est l'univers Marvel à tous les jours. Il y a un personnage qui est censé être mort, donc il clone, il ressuscite. Ok, bon moi ça me hype pas trop, et on verra bien ce que ça vaut. Et on va finir avec les sorties, et c'est Faye qui va les faire, hein, puisque elle le fait mieux que moi, je pense. Allez, aux sorties. Ok, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Rapidement, oui. Alors, on va commencer avec un bloc de sorties, licences, ciné, série, on va dire. Donc, cette semaine, il y a le tome 5 de la saison 10 de Buffy qui sort le 15 mars. Et d'ailleurs, je vous rappelle que pour fêter les 20 ans de Buffy, j'ai fait une petite vidéo, en fait, où je parle du comics frais qui fait partie du Buffyverse et qui vous présente, en fait, une tueuse du futur et que je vous conseille fortement. Donc c'était la petite parenthèse. Voilà. Allez sur la chaîne de la Michael Lugic, vous trouverez ça. Voilà. Ensuite, toujours le 15 mars, un titre que je ne vous conseille pas, c'est le comics X-Files tome 4. Alors déjà, je ne suis pas fan de l'histoire qui n'est pas à la hauteur de la série, donc le prenez même pas, même pour la collectionnite, on s'en fout. Et pour finir, on a le tome 2 de Podamron, une série qu'on vous a un peu déconseillé avec Mathieu. Ouais, d'ailleurs. Voilà. Ah, le 2, même le 2, c'est mieux. Ouais, mais tu le prends pour la collection, et encore, si tu trouves quelqu'un que t'aimes pas, tu te le fais offrir par lui, comme ça t'as moins de. Ok, le film d'auto est toujours aussi. Le film d'auto, c'est vraiment pas ma tasse de thé, moi ça m'émotionne pas du tout. Et pour l'instant, on s'ennuie ferme. J'ai l'impression que Charles Soule, encore lui, il est ultra barricadé dans son scénario, il peut rien faire, ce qui est dommage. personnage, soit il a pas d'idée, soit les deux. Bon, vous noterez qu'il râle sur le dessinateur et le scénariste, mais qu'il achète quand même. Je les ai tous. Bah oui, je te dis, c'est la collectionniste, c'est ça, malheureusement. Vas-y, alors continue. Ensuite, on aura une pêle-mêle de sortie concernant Monsieur Spider-Man, avec une nouvelle édition de Ultimate Spider-Man 2 par Bendis et Bagley, c'est comme ça qu'on dit Marc Bagley, ouais. Ouais. Donc j'avais lu, c'est pas trop mal. Hein, c'est cool, ouais, Ultimate, c'est cool. Voilà, avec le retour du Bouffon Vert compagnie, vous avez du Amazing Spider-Man, du Spider-Man Team, enfin voilà, il y en a. Spider-Man Team tout. Ouais, donc, je connaissais pas du tout. Apparemment, ça va être un vieux titre. Il y a un film qui sort dans pas longtemps ou quoi? Non. Oui, je crois. Ensuite, vous avez toujours dans les Marvel, vous avez du Uncanny Avenger, du X-Men, enfin la fine équipe, les enfants. Ok, c'est que des tomes 1 ou 2. Ouais, voilà, c'est des tomes 4. Déjà sortis 3, 4, 2, machin et compagnie, c'est pour vraiment les fans. Ensuite, il y a le tome 2 des Chroniques de Conan de 1985. Alors, moi, on m'en a dit du bien et j'ai commencé à lire le début, donc c'est pas trop mal. Donc, si vous êtes fan de Conan le Barbare, que vous avez envie de. C'est le Conan chez Marvel, c'est ça? Ouais. Quand il était chez Marvel, ok. C'est ça, ouais. C'est pas mal, est-ce que pas mal. Alors, on m'en a mis du bien, donc j'ai commencé à lire et c'est vrai que j'aime bien pour l'instant. Donc, si vous êtes fan. J'ai une petite anecdote sur ce. Enfin, oui. C'est pas sur ce numéro, bon, je sais pas si on a le temps. Ouais. Enfin, à ce qui paraît, c'est pas à ce qui paraît, c'est vrai. Sur ce tome, le mec, je sais plus comment il s'appelle, un dessinateur qui était sur du Conan, on avait marre de dessiner du Conan parce que c'était un peu bas du front. Et au bout d'un moment, il en avait marre. À chaque fois qu'il disait, ouais, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire autre chose, son leader, il dit, t'es encore ce contrat, tu continues. Et il avait un dernier truc à faire et il s'est dit, bon, ils me font vraiment trop chier, et je vais faire un truc, je vais mettre des beats de partout dans tous les décors pendant le dernier numéro. Et le mec a fait ça et l'éditeur n'a même pas lu, enfin il a pas vu en lisant le comics, donc c'est sorti édité comme ça. Donc vous avez un numéro spécial, je sais plus lequel, de Conan, où t'as des beats de partout dans tous les décors. Il y a un moment où t'as Conan qui plonge dans l'eau et en fait il y a un splash, un endroit où il ne faudrait pas. Donc voilà, c'est une petite anecdote sympa. Ok, d'accord. Donc je rappelle que tous les titres que je viens d'énoncer, c'est toujours le 15 mars. Hein. Je vous dirai quand je change de date. Ensuite, il y a un autre titre, alors moi qui m'a donné envie de lire, c'est le deuxième tome, ça s'appelle Manifest Destiny, et ça raconte en fait le voyage de Lewis et Clark quand ils ont en fait traversé les États-Unis d'est en ouest, si je me rappelle bien. Et en fait, ça m'intéresse parce que je me suis aperçu que le gars qui est au scénario, c'est en fait le showrunner de la série Agent Carter qui était passé sur ABC. Et du coup, je trouve ça m'a interloqué, donc j'ai bien envie de dire ça. C'est chez Marvel, je crois. Attends, je suis chez Image, je l'avais noté. C'est un truc indépendant, je crois. Okay. Ah, j'ai plus perdu le truc. Mais je trouve ça sympa qu'il fasse un peu un comics historique. Et ça m'a rappelé l'émission qu'on avait faite sur. Comment il s'appelait ce comics? Rebelle. Ouais, voilà. Et du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas? Moi, ça me tentait pas mal. Ouais. On passe ensuite à du Hellboy avec. Alors, attention, BPRD Origin Volume 3. Alors, moi, j'avais lu un peu tout ça et j'avais trouvé ça pas mal. Je sais pas si toi, tu avais aimé. C'est tout bien, BPRD, voilà. Hellboy, les yeux fermés. Et on avait fait une émission sur Hellboy. Oui, effectivement. Je continue à dire. Donc, n'hésitez pas à écouter, à vous lancer sur ce titre. On passe ensuite à un autre titre qu'on avait traité dans une émission, c'est Paper Girl 2 qui sort le 17. Ah putain, j'ai hâte de l'acheter. J'ai hâte parce qu'on avait beaucoup aimé le tome 1. Et ensuite, pour finir, eh bien, vous avez du Wonder Woman par George Perez. Moi j'aime bien George Perez. C'est sympa. Voilà. Et puis pour ceux qui ont envie de rigoler, vous avez un Deadpool versus Gambit que je ne connaissais pas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ben merci Faye. Ouais, et voilà, on a fini avec les news. On était un peu lent, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas beaucoup de trucs à dire sur les titres, et que tout le monde va dire que c'est nul. On va passer à la première pause musicale, et c'est Anderson .Paak. Et je sais plus le titre. Je crois que c'est I'm in the Room. Et voilà. Et on revient après. Try surfing. What do you think about love, for instance? I don't think about it. I make it. Baby, this room in here, just enough for two in here. Ain't nobody but you and me in here. Yeah, what can we do? By my lonesome, above this crowded space, it's easier to hold some when no one's in the way. Well, if no one's in the running for the part, I'd love to pick a day to show you the main room. Whatever's a good time. I don't need a bouquet, I just need privacy. space, only 3 blocks away. I got bottles for days, I got tropical haze. Go ahead and wave by, let me up with your coat. Grab a hold of my arm, tell them niggas to move. Tell your sister you fine, cause baby there's room in here. Just enough for two in here. Ain't nobody but you. What could we do in here? What could we do? What could we do? As crazy as it may seem, it's not too hard to read. It's too many ifs and maybes, and not enough certainty. Well, if no one's putting numbers on the board, I'd love to take a swing. Might even graze you. But I don't mean any harm, I'm just speaking my mind. Take a look at that moon, about as bright as your eyes. We got plenty of space, go ahead and recline. Take a puff of that, get a sip of this wine. Yeah, feeling good? Cause baby, there's room in here. Just enough for two in here. Yeah. Ain't nobody but you and me in here. Yeah. What can we do in here? What can we do? What can we do? So why don't we get out of here? Let's go do something. She had a bright smile. Big white teeth, I mean, whiter than the white tee. Remind me of wifey. Met her at the studio, sorta like a high buy. She told me she had game, so we connected like the Wi-Fi. She had this Asian swag about her, so I called her Mai Tai. Started following her, she was the only thing on my timeline. And there was this one picture, her in the swimsuit, that made a nigga wanna beat it up, and I intend to. But I'ma have to put in work, baby girl that drink it all. Face like Mona Lisa, I'm just trying to beat a wall that hang on. I ain't got no patience, I can't wait long. She come and see me, but she don't stay long, and that's the problem. She a good girl, maybe it's too much smoke in the room, and she don't want that Mary Jane and her Vidal Sassoon. So I'ma take a minute and walk her to an Uber. Got a bullet in my heart and she the shooter. Hey, baby, there's room in here. Just enough for two in here. Ain't nobody but you and me in here. Yeah. What can we do? Et c'était Room in Air de Anderson .Paak. J'adore vraiment ce titre. Here, et vous êtes toujours... De quoi ? Here. Here, ouais, ok. Mon dieu. Vous êtes toujours sur Comics Discovery. On vous parle de comics. Et vous êtes toujours aussi sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2. Donc, nous, on va vous parler de Sukeban Turbo. Donc, avant de commencer vraiment à parler du titre, moi, j'avais envie quand même de spécifier un petit truc. C'est le premier comics sorti sur le label Original Graphic Novel de Glénat Comics. Et je trouvais que c'était une petite... Enfin, c'est une belle initiative qu'il faut souligner, puisque c'est un label qui sort en association avec IDW, donc IDW l'éditeur de comics aux USA. Et donc en fait ça a été pensé comme un pont entre les USA et l'Europe, et en fait ils vont prendre des artistes français et des artistes internationaux et ils vont essayer de mélanger ça et de sortir des comics en même temps aux USA et en même temps en France. Et je trouve que c'est assez cool. Enfin celui-là c'est le premier, mais il y en a d'autres qui sont en projet, notamment Low Life de Brian Buccellato, que vous avez peut-être lu sur Flash, parce que c'est lui qui scénarisait Flash au début, qui colorisait aussi je crois, et ça va être dessiné par écrit. Je sais plus si c'est au dessin ou au scénario, bon c'est pas grave. Avec Alexis Santanac, vous avez Croc Mitten de Matt Salvia et Jet, Le Haut Palais de Mike Carey et Peter Gross, et puis plein d'autres titres qui sont en venir et qui ont l'air assez sympathiques. Alors, pour le coup, juste je viens de découvrir le Mike Carey et Peter Gross, c'est ça, sur Le Haut Palais. Mais alors, ils ont fait la série Lucifer aux États-Unis et ils ont fait la série The Unwritten, les deux étaient très très bien. Du coup, celui-là, je vais vraiment le regarder. Quoi. Okay. Ça fait partie de ces artistes, je trouve qu'ils ont une alchimie entre eux, ça passe tout bien ce qu'ils font. Quoi. Ok, bah on va surveiller le Haut Palais. Et moi je trouvais que c'est vraiment une initiative cool de mettre en avant des artistes français et d'essayer de faire un peu du comics en France aussi et de sortir des titres inédits comme ça. On a pas que du image ou que des trucs. Enfin, ça fait bosser des petits artistes francophones un peu cocorico quoi. C'est cool. Ouais, sur le principe c'est bien, ouais. Ça, après c'est vrai qu'il y a, c'est pas bouché le comics maintenant en France, mais il y a énormément de titres qui sortent, du coup ils ont trouvé un bon, ouais, puis il y a plus en plus d'éditeurs qui sortent, donc c'est cool. un petit moyen de se démarquer sur l'idée le principe est très bien. Moi je suis d'accord sur l'idée, le principe est très bien, surtout si ça offre un peu autre chose que voilà l'offre super héros ou d'autres choses un peu différent. Moi je suis pour. Ouais, ça fait un peu proactif quoi, au lieu de recevoir juste des comics et de mettre en rayon, on essaie de participer un peu à tout ça. C'est quand même un gros phénomène culturel ces dernières années. Ouais, c'est bien qu'on ait un petit peu notre French touch. Ouais, et puis c'est l'idée de faire connaître aussi des artistes aux États-Unis, puisque IDW du coup publie aussi ses titres, donc ça pourrait permettre de faire connaître des gens notamment Sylvain Runeberg, je crois, qui est sur ce Kevin Turbo, pourquoi pas, et qui pourrait après bosser aux États-Unis. Il fait quoi, le scénario, le dessin? Il fait le scénario. Bon, on va aller direct dans là où ça fait mal. Bon, je vais galérer pendant une heure et demie à essayer de défendre ce titre parce que une moi je l'ai bien aimé. Une demi-heure, excusez-moi. C'est le stress. On va commencer par Mathieu qui va nous parler du scénario. Ouais. Alors donc c'est Sylvain Runeberg donc au scénario. Ouais, voilà. Moi si je dis pas de bêtises, je l'ai connu sur une série franco-belge qui s'appelle Orbital, qui est la très très bonne SF que pour le coup je conseille vivement. J'aime bien le pour le coup. Non, vous voyez, parce que là j'ai trouvé ça un peu moins bon ce qu'il a fait là sur Sukeban Turbo. Donc en quelques mots, on suit jour après jour la vie d'un groupe de filles, d'un groupe de lycéennes qui se prennent donc pour des Sukeban. Alors les Sukeban, moi j'en avais très vaguement entendu parler, c'est un phénomène culturel très important au Japon qui a commencé un peu après la Deuxième Guerre mondiale où il y avait de plus en plus de gangs qui se montaient, comme on a pu voir au cinéma, il y a énormément ce genre de choses, et donc notamment des gangs de filles qui prenaient un peu possession des écoles comme ça. Il y a eu un peu tout au cinéma, souvent avec une pointe d'érotisme en général quoi, mais c'est quand même un gros plan culturel, toute cette rébellion contre un système qui est très conformiste au Japon. Et donc c'est la base du comics. C'est très bien expliqué dans la postface, ce que je vous disais. Je trouve que la postface est vraiment bien foutue. C'est bien documenté. Les interviews des artistes sont vraiment intéressantes. Et en fait, je crois que je le disais à Johnny, ce que je regrette un peu, c'est qu'on ne l'ait pas lu avant, cette postface. Parce que pour le coup, donc, la théorie, c'est ça. Et en pratique, ce n'est pas vraiment ce que j'ai cru lire, moi. Finalement, donc, on se retrouve avec ce groupe de filles. Alors, mis à part l'héroïne principale, Shelby, je crois, le reste des personnages, globalement, n'est quand même pas très, très creusé. Cette jeune fille se rebelle. Non, en même temps, c'est vraiment Shelby qui est mis en avant. Shelby. Ouais, mais du coup, donc cette jeune fille se rebelle avec son gang de motards post-adolescentes, mais on sait pas trop contre quoi. on suit un peu donc leur jour après jour leur descente dans le crime, mais là aussi, je trouvais que ça manquait un petit peu de repères parce que c'est vraiment très très sombre, très violent. On parle soi-disant d'adolescence, mais on voit pas forcément les à côté, genre les petites amourettes, les petits jobs, le rôle des parents, ce genre de choses. Il y a pas vraiment de sous-texte social ou de réflexion éventuellement sur une jeunesse un petit peu perdue, donc une fois cette rébellion contre, bon, en général les parents, le gouvernement, je sais pas, n'importe quoi. Là pour le coup c'est vraiment des aventurettes petit à petit de ces jeunes filles qui encore une fois sont un petit peu clichés. Donc on a du mal, je trouve, à s'immerger dans le comics encore une fois parce que ça manque de repères globalement. J'ai l'impression que les auteurs ont voulu, Faye le disait, effectivement je suis d'accord avec elle, ont voulu faire 200 trucs en même temps, c'est-à-dire effectivement ce style Sukeban, raconter l'histoire de jeunes filles, là pour le coup c'est aux États-Unis. Il y a une histoire de boys band autour derrière aussi qui se rajoute un peu au milieu de tout ça, et du coup ça fait un espèce d'énorme melting pot. Et c'est un peu frustrant parce que j'arrive pas bien vu où c'est que l'auteur voulait en venir, d'autant plus qu'encore une fois avec cette post-faste, vraiment le mec voulait faire du Sukeban, et le Sukeban dans le comics, ouais, on voit les filles mater un film une fois de temps en temps, mais une tout fois. Ce que ça peut représenter, ouais, une fois une fois de temps en temps, une fois, mais tout ce que ça peut vraiment encore une fois représenter de la puissance sociale et même le choc culturel, là pour le coup comme disait James, c'est assez génial parce que potentiellement, parce que c'est une culture japonaise qui se passe aux États-Unis, c'est scénarisé par un Français, le dessinateur, je vais pas dire une bêtise, il est espagnol, voilà. et ça prend pas des masses. Ça prend pas des masses. Et j'ai au final trouvé ça un peu vide. Et du coup, j'arrive pas à savoir si je suis raté à côté, passé à côté de plein de choses, moi, que j'ai pas vu ce que les signes des auteurs, ou si c'est effectivement plutôt les auteurs qui ont peut-être un petit peu perdu dans ce maelstrom de choses à faire. Ça manquait vraiment de puissance émotionnelle. Alors après, niveau narration, c'est pas mauvais. Je me suis pas ennuyé en le lisant. Par contre, effectivement, je me suis pas senti vraiment porté émotionnellement. Ça manquait vraiment de cette dimension-là pour moi. Alors, comme je suis le seul qui l'a aimé, je vais essayer de défendre un non, peu. Non, tu défends pas. Dessin. Je vais défendre un peu mon point de vue. Moi, contrairement, enfin, j'ai aimé, mais c'est pas le truc le plus ouf que j'ai jamais lu de ma vie. Hein. J'irai pas jusqu'à là. Mais je trouvais que l'idée de lire l'histoire d'un, parce qu'au final, c'est Shelby, donc on suit, et même son cousin, je sais plus comment il s'appelle. Donc, c'est un peu les deux héros principaux de quoi? Oh, tout le monde oubliait. Ah, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Bon, c'est machin et machine. Donc son cousin qui est un peu le deuxième héros principal, donc qui est dans un groupe de boys band un peu merde. Ça je sais. Mormon. One Dimension. Non ouais dans le style, mais genre lui il incarne, il enfin parce que dans Jack Boys Band apparemment il faut incarner un personnage, ouais. Et lui il incarne le mec qui réserve sa virginité pour sa copine, alors que en vrai pas du tout, il s'en bat les couilles quoi. Mais donc c'est, en fait c'est deux jeunes perdus qui sont lâchés dans ce monde, je crois que ça se passe à New York, qui sont vraiment qui sont perdus, donc ils n'ont plus aucun repère. On voit sa mère est complètement à l'ouest, son père est complètement absentiste, et le cousin a plus de parents, donc c'est il est encore plus lâché. Et j'ai trouvé ça ça changeait de ce que je lisais habituellement, et d'avoir une fille, enfin de voir tout sous ça, sous le point de vue féminin, je trouve ça intéressant. Et puis c'était sympathique à lire, ça se lit facilement, et voilà. Ça se lit bien par contre. Ah bah moi j'ai pas dû lire le même truc que vous, je pense, parce que moi j'ai trouvé ça vide, ennuyeux, cliché, je me suis attachée à aucun personnage, j'ai retenu aucun prénom. Et le truc qui m'a gênée, j'en ai parlé, sur la couverture il y a marqué un truc entre la série Girls et Akira. C'est comme dire Star Wars, c'est entre Bob le bricoleur et Charm. Alors, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'on sent désolée, le côté Akira dans le côté la bande de jeunes filles. C'est une bande de... Ils sont en moto, c'est Akira. Ils auraient pu dire, ouais, c'est comme la série là avec Ron Perlman aussi. Mais non, parce que Akira, le mec d'Akira est un dealer aussi, il deal des pilules, ils prennent des pilules, ils sont violents. Moi, dans la série parallèle avec quelque chose qui a rien à voir, qui est vachement mieux, mais qui est plus proche de ça, ce serait plutôt Orange Mécanique. Ah bah, ça c'est très bien Orange Mécanique. La différence principale étant que autant Akira et Orange Mécanique, il y a un sous-texte derrière, autant là j'ai pas trouvé. Il y a que dalle, c'est vide. Mathieu l'a très bien dit, c'est vide, on s'attache à chaque personne. Mais parce que c'est cliché, c'est nul, je suis désolée. Je pense que c'est la vie d'une adolescence qui est lâche, qui a plus aucun repère et qui ce que j'ai, c'est je répète ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je dis que, parce que dans le cas d'Akira et de Orange Mécanique, là aussi c'est des jeunes qui ont pas de repère et qui font n'importe quoi, sauf que là il y avait une critique derrière. Là c'est juste des ados, et en plus là, c'est même pas comme si elle avait une vie particulièrement difficile. La seule qui a une origine dont on montre la vie en général, c'est le personnage principal, et son père est pas là et sa mère dort en permanence, mais c'est pas une raison pour dans aller Akira, taper tu des sais gens pas non plus sur contre quoi laisse-moi finir James. Quoi, oui, non, mais toi t'as pu parler, moi j'ai pu parler deux secondes, et lui le pauvre il ouvre un mot, tu le coupes, alors zut, voilà. Yeah. Mais donc là, il y a des éléments qui superficiellement sont les mêmes que de très grosses créations comme Orange Mécanique ou Akira, mais il n'y a pas le fond derrière qui pour supporter en gros. Et le personnage principal, du coup, elle a une vie qui franchement est plutôt aisée, parce que si le père peut s'acheter des clubs de golf qu'elle va ensuite voler pour aller taper sur des gens qui lui ont rien fait, et en plus elle trouve ça drôle, et en fait. Le truc, c'est que les personnages, comme il n'y a pas de sous-texte derrière, on se retrouve à regarder juste des jeunes qui tapent sur des gens sans raison et qui les massacrent sans raison, et ils trouvent ça amusant, et on se dit juste c'est une bande de gamins insupportables, et il n'y a pas de sous-texte derrière pour dire on va faire une critique de la jeunesse en particulier ou quelque chose comme ça. C'est juste des trucs qui se passent et des gens qui sont stupides et agressifs sans raison particulière. D'autant plus dommage qu'avec cette mode Sukeban, il y avait moyen de faire quelque chose. Et d'ailleurs c'est un truc que j'avais remarqué, ben justement j'ai lu la postface après avoir lu l'histoire, parce que je me suis dit c'est à la fin. Tu m'as pas écouté, tu vois. Ouais, je sais, mais justement je me suis dit est-ce que j'écoute ce qu'il m'a dit, je lis avant, ou est-ce que je lis après, parce qu'après tout c'est à la fin du livre, donc je vais suivre leur logique, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait à lire la description de toutes leurs recherches qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vraiment recherché leur truc, c'est pas juste j'ai récupéré un phénomène culturel asiatique et j'ai raconté de la merde dessus, ils ont vraiment recherché ça, et je me suis rendu compte qu'en fait le phénomène du Sukeban, parce qu'il y avait les Sukeban, donc les filles, les gangs de filles au Japon, mais il y avait pareil avec les mecs. Et pour avoir lu pas mal de mangas quand j'étais plus jeune, ce genre de personnage, il y en a pas mal. Bon, l'exemple qui me vient le plus, c'est Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho, c'était un manga, et ça c'était un garçon. Mais des personnages de ce style, il y en avait beaucoup, et il y avait pas mal d'éléments justement que je retrouverais pas dans Sukeban Turbo. Parce que je sais pas, peut-être qu'il a pas réussi à récupérer justement tous les thèmes qu'il voulait mettre en avant. Mais au final, son gang de filles, il y a des moments où on les voit rouler à moto avec leur club de golf couvert de sang, en gueulant « On est des Sukeban !» Et c'est censé être un truc qui est censé être motivé. C'est censé se dire « Fuck yeah !» Sauf que non, tu te dis pas « Fuck yeah !» parce qu'ils viennent juste de taper sur des gens sans aucune raison et l'histoire ne sert qu'à ça. Ouais, vraiment, je vais pouvoir rebondir sur ce que tu disais. Tu parlais de Akira. Dans Akira, tu vois que Tetsuo et sa bande se rebellent contre des mecs et ils tabassent des gens comme ça gratuitement. Et t'as pas, enfin, ils ont pas de raison de particulière de ou tu parlais même de culture manga. Sukeban, tu vois par exemple dans GTO ou dans Young GTO plus peut-être, où tu vois Eikichi Onizuka qui est en train de se rebeller et qui s'amuse à tabasser des gens comme ça gratuitement. Il a pas de raison de tabasser des gens a priori. Et c'est la même chose, du revient la même chose. Ils ont une raison, c'est qu'il faut qu'ils survivent. C'est un monde post-apo, les ressources sont super limitées. Ça, c'est pas loin du modèle animal avec la territorialité. Donc là, surtout, pour arriver à survivre, il faut qu'ils s'organisent en bande et ce genre de choses. Ouais, et surtout, ils vivent pas avec des parents qui ont des clubs de golf et qui s'occupent bien d'eux aussi. Ouais, et puis voilà, GTO, c'est vachement plus culturel japonais. Là, effectivement, tu peux te rebeller contre des parents absents ou une jeunesse dorée dans une banlieue super chic. Sauf que là, effectivement, on sait pas pourquoi. Ouais. Elle se rebelle parce qu'on a ses parents qui s'occupent pas d'elle et qui la laissent. Même s'ils ont plein de thunes, on voit que sa mère se drogue et donc elle. Mais encore une fois, t'as pas écouté ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le problème c'est pas qu'elle fasse preuve de violence, le problème c'est que le livre ne fait que te montrer ça en te disant débrouille-toi avec, j'ai pas de critique pour te donner une raison de t'intéresser à ça, comparé à Akira ou autre. Tu voulais parler, Faye? Oui, je disais, si je peux. Vas-y. Je disais que, en fait, tu vois, tout ce qu'on ressort, le sentiment de vide et tout ça, moi, ça m'a fait penser à un film de Sofia Coppola qui était inspiré d'un fait réel, où je crois que ça s'appelle The Bling Ring, où c'était en fait des jeunes qui avaient du pognon et machin, qui s'amusaient à rentrer chez des stars, à piquer des trucs et tout, juste pour s'amuser. Et ils étaient aussi débiles que les persos de ce comics. Et moi, j'ai besoin d'avoir une raison, d'avoir quelque chose dedans, et au final, je suis désolée, mais avoir quelque chose pour montrer juste de la violence, comme ça, juste des mauvaises actions et tout, alors que c'est pas justifié et que t'as l'impression au final que c'est juste des ados débiles qui font des conneries, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Surtout que le niveau de violence, ça va vraiment loin, effectivement. Il y a peut-être des meurtres dans la rue gratuits, t'as du gros trafic de drogue, enfin là, à ce niveau-là, ouais, c'est à la limite, ouais, que ça se rebelle en taguant sur les murs ou en mettant le feu aux poubelles. Bon, là, pour le coup, je trouvais qu'il y avait vraiment un niveau de violence et t'as pas vraiment de contrepartie, quoi. C'est que d'entrée de jeu, t'es dans cette violence-là, dans ce monde très très noir, assez peu crédible au final, et pour le coup, comme disait Johnny, t'as pas grand chose à te raccrocher derrière en disant ouais, là je m'y reconnais, là effectivement je comprends. Dans le même genre aussi, ça m'a vaguement parfois fait penser au film Les Lois de l'Attraction, avec ce genre de jeunesse dorée complètement droguée, sauf qu'en l'occurrence, Les Lois de l'Attraction, c'est quand même super bien écrit. C'est Roger Avery, je crois, le mec qui a écrit Pulp Fiction. Et là, ouais, ça manque d'une grosse base, mais du coup, est-ce que les auteurs n'ont pas voulu justement ne pas s'embêter, entre guillemets, à expliquer ça, parce que c'est ces persos clichés? Moi, ils n'ont pas. Ouais, l'un des plus gros reproches que je ferais, quand même, c'est que c'est dommage d'être passé à côté de ce truc sous Keban. Il y avait, même quand ils expliquent, t'as tout un côté de code de l'honneur, sacrifice et compagnie, quoi, que tu vois pas forcément. À la limite, la plus grande explication, c'est ça, c'est que parent absent, tu te raccroches à ce que tu peux dans ton entourage pour tenter d'exister, parce que l'adolescence, c'est là où tu es censé t'affirmer. Tu trouves ce machin sous Keban, tu essaies d'en faire un peu plus qu'un visionnage de cassette avec tes copines, mais tu y vas à fond. Ben c'est un truc que j'ai remarqué, j'ai trouvé assez amusant, c'est que le personnage principal se crée un gang de filles à partir de sa conception superficielle d'un phénomène asiatique. Et le livre, en fait, c'est un peu l'impression que ça m'a donné, c'est-à-dire on récupère un truc et on en fait une version superficielle. Et je trouvais ça assez amusant, finalement, que le personnage principal fasse plus ou moins la même erreur, on va dire, que les créateurs du truc. Après, que la gamine qui est une cassette se fixe par rapport à ça, ça peut être intéressant parce que ça prouve la limite du truc. Par contre, effectivement, autant elle est à fond dans ce machin-là. On va peut-être enchaîner sur le dessin parce qu'on a plus beaucoup de temps. Le dessin a été fait par Victor Santos, qui, à mon avis, doit très bien dessiner, sauf que là, j'étais pas particulièrement convaincu. En fait, le truc, c'est que je sais pas si c'est à cause du label comics en soi, mais j'avais un peu l'impression qu'il essayait de faire du Darwin Cook sans trop y arriver. Ça, plus le fait qu'il y avait pas mal d'erreurs d'anatomie en particulier. Bon, il y a eu le fameux cas où j'étais énervé parce que le coup de la main droite sur un bras gauche, c'est juste non. Et en fait, j'ai juste l'impression au final qu'il n'avait pas nécessairement le temps ou l'envie particulière de vraiment faire un truc bien recherché dessus, ou il n'avait juste pas bien maîtrisé le style qu'il était en train d'essayer. Et en fait, j'aurais plutôt envie de lui dire de continuer à essayer, parce qu'il y a vraiment moyen, il y a le design des personnages est vachement cool, il y avait des ambiances que j'ai beaucoup aimées, mais c'était pas nécessairement aussi abouti que ça aurait pu l'être, je pense. Ok. Bon, on va peut-être faire un dernier tour de table pour savoir qu'est-ce qu'on a pensé du titre. On va commencer par Faye, puisqu'elle a envie de parler, je crois. Ah bah oui, j'avais envie de donner mon avis, mais... Bah, vas-y. Non, bah moi je disais que ce titre, le postulat de base était intéressant, mais l'exécution est totalement ratée. On s'attache pas à ces personnages, le dessin part dans tous les sens et je le trouve littéralement moche. Donc voilà, ça m'a pas du tout plu. Après, juste pour rajouter un truc, c'est qu'on parlait du fait qu'elle reproduisait ce qu'elle voyait à la télé, et c'est le seul point où on peut le rapprocher de la jeunesse de maintenant ou d'autres trucs, c'est qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de moutons qui reproduisent de façon déformée ce qu'ils voient et sans savoir vraiment ce qu'ils font. Donc c'est la seule chose que je pourrais dire, dire de positif sur ce livre. Julie, c'était un dernier petit truc à dire sur le titre. Le titre en soi, non, pas particulièrement. Par contre, j'aime beaucoup justement toute leur initiative d'essayer de prendre des gens d'horizons différents et de mélanger un peu. Mais rien que le concept de prendre un phénomène asiatique, de le remanier façon américaine alors que c'est scénarisé par un Français et dessiné par un Espagnol, j'adore ce genre de truc. Là, en l'occurrence, j'ai pas été convaincu, mais franchement, je pense que ça reste le genre de concept qui peut se prouver fort, on va dire. Ok. Mathieu ? Bah non, je rejoins Johnny tout à fait sur ce qu'il vient de dire. Il faut saluer le concept, il faut saluer l'idée, le travail qui a été fait. Ouais. Effectivement, là, peut-être ça n'a pas bien fonctionné, mais le principe est bien, il faut qu'il continue. C'est un peu dommage, il y avait vraiment pas mal de choses qui étaient super intéressantes et c'est un peu passé à côté pour moi. Ok, bah moi je suis un peu d'accord avec vous. J'ai un peu plus apprécié le titre que vous, mais je faut souligner ce label qui est, moi je pense que c'est une bonne idée. On suivra ce qu'ils font quand même. Ouais. Il y a vraiment des titres qui me donnent envie, donc d'ailleurs j'avais demandé à Gléna s'il voulait venir en parler, bon ça n'a pas pu se faire, mais alors ils viendront pas là du coup. Ouais, faut pas qu'ils écoutent. Mais on trouve que votre initiative est cool, donc oui. Continuez. Désolé. Comme ça. On va finir vite fait sur des coups de cœur ou pas, les petits coups de cœur, oui. Qui c'est qui veut commencer son coup de cœur? Coup de cœur, j'en ai qu'un, c'est Breath of the Wild de Zelda, c'est tout. Ma vie c'est ça, le reste m'intéresse plus. Ok. Est-ce que tu vas en parler pendant 2 secondes? Tu as 1 minute pour parler de Zelda. C'est vachement bien. C'est un monde ouvert, tu peux monter sur une montagne, ça sert à rien, tu mets 4 heures à y arriver, après tu as une belle vue, tu redescends. Ok. Faye, magnifique. Bah moi j'ai envie de dire renouveler Emerald City, parce que très très bonne série et que je me suis régalée et que l'esthétique est magnifique. Vous avez parlé de quoi peut-être? Et ben en fait c'est une relecture de l'histoire du magicien d'Oz en plus sombre, avec des costumes super, des décors magnifiques, une réalisation au top. C'est le mec qui avait fait, alors il s'appelle Tarsem, je sais plus trop quoi. Sinkt. Et c'est lui qui avait fait le très mauvais The Cell, mais le très très bon The Fall, que je vous conseille avec ça y est, j'entends plus son nom. Lee Pace, voilà. Donc vraiment, et j'espère vraiment vraiment qu'on aura une saison 2 parce que ça valait le coup. Et d'ailleurs, il y avait Vincent D'Onofrio, donc qui était excellent. Ok, Johnny, t'as un truc. J'en ai deux. Vas-y. Le premier, du coup, j'en avais déjà parlé dans un autre coup de cœur, c'est le retour de Samurai Jack. Il y a le premier épisode qui est passé ce week-end et c'était à la hauteur du chef-d'œuvre que c'est censé être. Et je suis plus qu'heureux. Et le deuxième, c'est en fait, étant donné qu'il y a Disney là qui a décidé de faire une nouvelle série de la bande à Picsou, la série en soi a l'air ok. À la hauteur de ce que c'était avant, quoique l'animation est un peu statique, mais bon. Et en fait, là, le vrai coup de cœur, c'est que ça m'a fait repenser à un bouquin dont j'entends extrêmement rarement parler. C'est La Jeunesse de Picsou, qui est c'est un graphic novel, ou je sais pas, on va dire ça comme ça. Et c'est l'une des meilleures BD, toutes catégories confondues, que j'ai jamais lues de ma vie. C'était, le dessin est fabuleux, il y a un détail de dingue, le scénario entier est génial, et en fait ça raconte la jeunesse de Picsou, de ses 5 ans à comment il est devenu Picsou en fait, toutes ses aventures, comment il est devenu riche, et justement le livre en lui-même, niveau scénario, personnage, dessin, il est riche aussi, et ça marche extrêmement bien, et c'est le genre de truc à mon avis tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, même s'il aime pas nécessairement la bande dessinée de base. C'est juste un pur chef-d'œuvre. C'est vraiment très cool. Ouais. Je l'ai lu quand j'étais petit. C'est Don Rosa au dessin. Et je sais pas si tu sais, mais en Europe, il est vachement. Tout le monde kiffe ce truc. Et aux États-Unis, tout le monde s'en bat les couilles. Ça m'étonne pas. Le mec ne fait aucune convention. Tout le monde, il est complètement oublié cet auteur, alors que c'est vraiment un mec qui a vraiment un talent de ouf. Moi, mon coup de cœur, qui est pas vraiment un coup de cœur, c'est Kong Skull Island, qui est un film. C'est un film pour un dimanche après-midi en fait, avec des potes. Des vous vieux. Avez envie de voir, vous avez envie de voir des monstres en train de se taper dessus. Et bah allez-y. Je pense que ça, enfin, je sais pas si ça vaut 16 euros quand même. Ah, en IMAX, moi j'ai payé cher toi. On l'a vu en IMAX et IMAX 3D c'est 18. En IMAX 3D 18 euros. Ouais. Ça c'est un peu cher, voilà. Mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment super beau. Les scènes de baston entre monstres, entre Kong et ces espèces de gros monstres que vous voyez sont vraiment cool. Bon, l'histoire est super cliché. En fait, c'est un film qui a pas été écrit. Ils ont pris tous les clichés qu'ils pouvaient et ils les ont balancés et ils sont pas allés un peu plus loin. Il y a malheureusement pas la réalisation de Gareth Edwards ou Godzilla qui était vraiment génial. C'est un peu du sous Godzilla. Donc, si vous avez envie de voir des monstres se taper dessus, allez voir Kong. Moi, je vais vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Donc, le site internet comicsdiscovery.fr, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis sur le titre qu'on a lu, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez aimé le titre, ou si au contraire, comme Juni et comme Mathieu et comme Faye, vous n'avez pas aimé le titre, bah, dites-le nous en commentaire sur Facebook ou même sur Twitter. N'oubliez pas, si vous voulez, mettre 5 étoiles sur le podcast, sur iTunes, ça pourrait nous aider, ça pourrait me permettre de faire connaître l'émission. Donc voilà, il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir plus de viewers. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission le vendredi à partir de 9h sur les ondes de Radio Campus Montpellier. On vous laisse tous avec Sport & Chill, juste après nous, qui va vous parler de Barça PSG et un peu de cyclisme. Et on va finir. Et je voulais faire un petit coucou à Goustique qui est rentré enfin. Et voilà. C'est coucou Goustique. Et on finit avec un titre que Juni a choisi, je crois. Rap Snitches de MF Doom. Voilà. Et allez, à la semaine prochaine. C'est lui qui l'a dit. Ouais, exactement. MF Doom. Mr. Fantastic. Villain. What up, nigga? Hey, Nine, what's the word? It's cracking, boy. Same old shit, kid. Man. Rap Snitches, man. Shit is bugged out, man. What the fuck, man? You telling me? Niggas running their mouth. Telling anything, anything. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Tight profile, low, like eight and paid in full. Attract heavy cash, cut the game centrifugal. Mr. Fantastic, long throw like elastic. All my life with twin Glocks that's made out of plastic. Can't stand a brown nosing nigga, fake ass bastard. Admiring my style, tall bust through Manhattan, plotting, playing the quickest. My flow's the sickest, my hoes be the thickest, my dro the stickiest. Street nigga, stamped and bona fide. When beef jump, niggas come get me, cause they know I ride. True to the ski mask, New York's my origin. Play a fake gangster like an old accordion. According to him, when the D's rushed in, complication from the wild testimony was thin. Caused his man to go up north, the boy hit him again. Lame rap snitch, nigga, even told on the Mexican. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. True, there's rules to this shit. Fools dare care. Everybody wanna rule the world with tears for fear. Yeah, yeah, tell them, tell it on the mountain hill. Running up their mouth bill. Everybody doubting still. Former, keep it up and get tested. Pop through your bubble vest or double breasted. He keep a lab down south in the little beast. So much heat, you would've thought it was the Middle East. A little grease always keeps the wheels a spinning. Like sitting on 23s to get the squealers grinning. Hitting on many trees, feel real linen. Spitting on enemies, get the steel for 10 men. With no brains but gum flap. He said his gun clap, then he fled after one slap. Son shut the trap, save it for the bitches. Delicious rap snitch conditions. You know what I'm saying? It's terrible. Crazy, man. I'm just analyzing this whole game. This is bugged out, man. Niggas snitching. Telling on their own self. It's a horror. Fuck around. Don't get anybody bag, man. Atrocities. Fuck around. Get your mama bag, nigga. You know your grandma used to be bootlegging. Fake hustling, nigga.